À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roi. La Caisse Desjardins du Domaine du Roi est fière de vous présenter la chronique sportive des Sabres Junior 2A de Robert Val. Impliquée dans toutes les communautés de la MRC du Domaine du Roi, la Caisse vous invite à suivre ses nombreuses promotions sur sa page Facebook et à rencontrer ses professionnels pour tous vos projets, peu importe l'ampleur. Bonne saison 2016-2017 aux Sabres Junior 2A de Robert Val. Pour un transport routier en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons les transports de voyage à 48 et 56 passagers, en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances au Marco Sport Midget de Saint-Félicien et est fier d'être partenaire de la chronique de l'instructeur-chef David Boudreau. On va parler des Sabres de Robert Val avec notre ami Jason Lajeunesse. Les Sabres en fin de semaine de deux défaites. Quoi qu'il en soit, on va voir comment ça s'est passé. Salut Jason! Salut Danny! Jason, oui, effectivement. Donc, ça s'est soldé deux matchs en fin de semaine. Dans le premier match, une défaite de 7-3. Contre les Puissants Saguenay. Une défaite de 7-3. Oui, contre les Puissants Saguenay, c'est une attaque qu'une attaque dévastatrice. Oui, mais on a encore là, on a joué un très bon match là. On était dans le coup là jusqu'en troisième période. Après deux périodes, là, c'était 4-3 pour les Saguenayens. C'est sûr que moi, là, j'avais pas beaucoup de joueurs d'habillés, on était 12, donc c'est sûr que ça a apparu là en troisième période. On a manqué du jus parce que on avait dominé là la première, la deuxième période. Puis encore une fois, on n'était pas capable de prendre les devants et de fermer l'adversaire. Donc, ça joue un petit peu contre nous, là, présentement, là, notre petit manque d'offensif, là, d'offensive, là, qui nous fait mal présentement. C'est pas qu'on joue mal. Le score, encore là, n'est pas l'allure de la rencontre, là, mais okay. C'est comme ça. Hein, ça a fini 7-3. On peut pas faire autrement, là, mais encore une fois, on a joué un très, très bon match, là, contre les Saguenayens. On les a dominés. Mais c'est ça. Le gardien a fait la différence. Et le nôtre, ben, il n'a pas fait les gros arrêts quand c'était le temps. Jason, les foules, comment sont-ils bonnes pareilles à Robertval? On s'entend que, hein, que on n'a pas une grosse saison. Donc, c'est sûr que les foules diminuent. Les deux derniers matchs qu'on a joués, là, tout le monde était enthousiaste. Ça, la façon qu'on a joué, de la façon qu'on s'est présenté. Personne ne peut chialer là, contre cela. Quand vous voyez le match, là, c'est pas gênant partout. Là. OK. Donc, dans le match, pour les Sabres, notez un but de passe pour Jesse Saint-Pierre et Maxime Paul, et un but également pour Frédéric Simard. La réplique des Saguenay est venue de David-Alexandre Hamel, 3 buts, une passe. Marc-Antoine Simard, 2 buts, une passe. Et Yannick Lapointe, 1 but, 4 passes, a été les meilleurs joueurs pour l'équipe gagnante. Et dans l'autre match, il y a une autre défaite, ce coup-là. C'était le pointage, et par contre, un peu plus serré. Oui, c'est sûr que ce match-là... 4-3, là, même, ça. 4-3. On a perdu 4-3 en prolongation, puis on n'a jamais tiré de l'arrière. Le seul moment qu'on a tiré de l'arrière, c'est quand on a perdu 4-3. On a toujours pris les devants. C'est nous qui avons pris les devants. C'est nous qui contrôlons le match. Jusqu'à la toute fin, là, c'était 3-2, ils ont scoré, je pense, le but égalisateur, il restait 2 minutes et demie au match. Donc, c'est sûr que c'est une défaite qui fait crève-cœur, je pense, là, parce qu'on, encore une fois, on méritait un meilleur sort. Mais, c'est ça l'hockey, hein, faut avoir l'avance après 60 minutes si on veut gagner, puis on l'avait pas. C'était égalité, puis on n'a pas été capable de scorer là, en prolongation, puis eux, ils ont scoré, c'était peut-être une minute et demie là, en prolongation quand ils ont scoré. OK, donc... Très, très bon match de notre part. Dans ce match-là, notez que chez les Aiglons, il y a eu deux buts de Philippe Girard, un but de passe de Christophe Girard. Pour les Aiglons qu'on a joué, c'est contre... Je me suis trompé. Effectivement, donc dans cette victoire des Marquis 4-3 contre les Sabres, ben notez que pour les Sabres, dans ce match, il y a eu Frédéric Simard un but, Maxime Paul un but et Lewis Brandy Matawa un but, deux passes pour Gabriel Ognan. Et pour les Marquis, ben notez qu'un but chacun pour William Deschênes et Jean-Simon Girard. En fin de semaine, ça ressemble à quoi? Encore une fois, on rend visite là, au Saguenay-Chicoutimi vendredi. C'est pas facile. Donc, encore une fois, ça va être si on est capable de scorer un petit peu plus que 3 ou 4 buts, selon moi, on va peut-être causer une surprise là, en allant chercher ce match-là. Parce que si on joue la même façon qu'on a joué contre eux vendredi dernier, si on est un petit peu plus chanceux, on peut sortir de là avec la victoire. Puis on rejoue dimanche soir à Alma. Okay. C'est sûr que contre Alma, c'est contre eux qu'on gagne nos derniers matchs. Là, on a 3 victoires consécutives contre Alma. On va espérer qu'on continue là, dans cette même lancée-là contre eux. OK. Donc, Jason, on se reparle mercredi prochain pour la chronique des Sabres, la dernière chronique de l'année des Sabres de Robert Val. Oui. Voilà, donc l'instructeur-chef des Sabres de Robert Val, Jason Lejeune.